Le quotidien coréen Lodong Sinmun de lundi a donné un commentaire sous le titre « Les ruses inutiles du fanat de guerre ». En voici le résumé. Les États-Unis se démènent sans discernement face à la grande réussite coréenne au tir d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14. Les autorités américaines de haut rang, comme le secrétaire d'État et l'ambassadeur à l'ONU, sans parler de Trump, lancent à qui mieux mieux des propos autour d'une mesure puissante et de l'utilisation des forces militaires. Mais contrairement à ce climat belliqueux, un seul homme parle d'une riposte non militaire. C'est le secrétaire à la Défense, Mattis. Le 6 juillet dernier aussi, dans une réunion officielle, Mattis a parlé bruyamment d'une menace très grave à propos de notre réussite au lancement d'essais de la fusée Phason 14 et que le problème nucléaire de la Corée du Nord est traité avec des efforts économiques et diplomatiques, comme s'il ne poursuit pas une mesure militaire. Dans une conférence de presse et une audition de la Chambre des représentants du Congrès américain aussi, tenue auparavant, il a dit que la guerre contre la Corée du Nord serait le pire désastre, en trompant l'opinion publique comme si les États-Unis s'efforcent à la recherche d'une solution diplomatique. Quant à Mattis, il est belliciste tristement célèbre comme « fanat de guerre et chien enragé dans les guerres d'agression d'outre-mer du passé ». Bien que le secrétaire à la défense américain parle d'une mesure non militaire contre nous, ce n'est qu'une tromperie rusée du vieux monstre de guerre qui ne peut point être de mise pour nous. Si jamais les États-Unis préjugent mal de la volonté de vengeance et de la vigilance de l'armée et du peuple coréen et prennent un choix militaire, ils ne pourront pas éviter leur ruine la plus lamentable.